vain, mes thèses atterrées. Les autres en bas qui sont en l'air disent qu'ils ne voient rien, ils veulent revenir. La patrouille accompagnée de chiens, quand ils nous parlent, eux, on ne comprend rien. Mais qu'est-ce qu'on fait si on les trouvera? Aucun d'entre eux n'est encore vivant. Ou pire encore, est-il possible que sur la patrouille tombe une autre avalanche? Le nombre de morts, oh, ce serait terrible. Le nombre d'enterrements qu'il y aurait dimanche. Arrives-tu à imaginer comment il faut faire pour tous les sauver? Dis-toi qu'ils ont une chance, tant au moins l'expérience. Les pires choses qui puissent arriver, tu les as déjà énumérées. On devrait peut-être y aller, mettre nos bottes et aider à sauter. Allez, venez et suivez-moi. Avec ces quelques pots, on peut jouer un rôle. Senti quelque chose, je crois qu'ici plus que il y en a qui reposent. Aidez-moi, il faut les sortir, autrement c'est ceux qui vont tous périr. Mais qu'est-ce que ces gens font à photographier? Ce sont des malsains, mauvais samaritains. Comme si ce moment était précieux, comme si chacun était sauf et sain. Faut croire qu'il y en pour qui une catastrophe est un événement. Figurant curieux qui ne servent à rien, laissez fiers de vous, ce sont vos enfants. Prends ton mal en patience, tu n'es pas celui en souffrance. Le temps que tu pars à fabuler, c'est tout me faire moins à respirer. Excuse-moi, je n'y peux rien. Ce sont des gens comme ça qui me rendent malin. Concentrons-nous sur les